Voici venu les temps modernes que l'on attendait tous. On ne s'éclaire plus à la lanterne, c'est le progrès qui nous pousse. Seulement maintenant, voyez-vous, avec ces temps nouveaux, on voit des gens un peu partout qui se serrent en rang comme des veaux. À la queue, pour prendre le métro. À la queue, fallait venir plus tôt. À la queue, devant les cinémas. À la queue, voyons, ne poussez pas. À la queue. On voit des femmes qui se bousculent dans les grands magasins pour s'acheter une robe, un pull ou de l'huile de ricin. Et à l'arrêt des autobus, les uns derrière les autres, les gens se repassent leur puce comme le font les bons apôtres. À la queue, pour prendre le métro. À la queue, fallait venir plus tôt. À la queue, devant les cinémas. À la queue, voyons, ne poussez pas. À la queue. Et bientôt, si ça continue, à l'allure où l'on va, dans 10 ans, 20 ans ou bien plus, on ne verra plus que ça. Moi, je trouve la chose érotique, surtout derrière les blondes, qui ont des formes angéliques, et je me sers comme tout le monde. À la queue, pour prendre le métro. À la queue, fallait venir plus tôt. À la queue, devant les cinémas. À la queue, voyons, ne poussez pas. À la queue. Plutôt à la queue.